L'action culturelle. Marianne Calvérac, vous êtes déléguée académique à l'éducation artistique et culturelle au rectorat de Versailles. Nous allons nous entretenir des actions menées en matière d'éducation artistique en milieu scolaire. Peut-être avant de parler des Melting Pot 2016 qui vont se dérouler à l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, peut-être nous rappeler ce que sont ces actions pour le ministère de l'Éducation nationale. Alors, ces actions éducatives, en appui sur les enseignements, forment ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, conformément aux derniers textes qui ont été rédigés conjointement par la ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture. Donc, ce texte permet d'adosser des actions éducatives aux enseignements de façon à permettre aux élèves d'avoir un égal accès à l'art et à la culture. Dans ces différentes actions, vous avez des projets d'éducation artistique et culturelle, différentes actions éducatives, mais aussi les enseignements artistiques. Est-ce à dire que ça fait partie intégrante du programme scolaire pour ceux et celles qui bénéficient de ces actions? Ça fait partie du parcours obligatoire de l'élève, tout à fait. Et quand vous dites l'élève, ça commence dès le premier degré et jusqu'à l'université? Exactement, école, collège, lycée, université. L'ensemble des cycles. Les actions qui sont engagées depuis maintenant une quinzaine d'années, je crois savoir avec l'apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise, ont permis de développer des actions qui concernent de plus en plus d'élèves au fil des années, à tel point que l'apostrophe, en association avec ses différents partenaires, dont le rectorat de Versailles, organise ses rencontres interscolaires des arts. Quel est l'objectif, quel est l'intérêt pour vous, délégué académique, de soutenir, d'apporter votre aide à l'organisation de telles rencontres interscolaires? Alors, les objectifs sont multiples. D'abord, c'est l'occasion de valoriser les actions éducatives elles-mêmes et de montrer en quoi elles sont essentielles, justement, dans le parcours de l'élève et sa réussite. Ensuite, très ponctuellement, ces trois jours... Sur un plateau, ces trois jours de pratique de danse et de théâtre, c'est l'occasion de rencontre entre les élèves, vraiment, d'être dans un dialogue avec l'autre, d'une meilleure compréhension de son fonctionnement. Et cette rencontre est stimulée par les pratiques artistiques rendues possibles par les artistes. On n'est pas dans une appréhension descendante, là, comme on peut l'avoir traditionnellement à l'école, mais dans une appréhension du corps, dans l'espace et dans le rapport à l'autre. Et ces éléments-là sont indispensables dans la rencontre entre les élèves. Et Melting Pot est un très bel exemple et c'est extrêmement modélisant. Donc, et pour preuve, un grand nombre d'élèves, suite à ces rencontres, souhaitent ensuite bénéficier des enseignements artistiques. C'est un moment d'émotion, je crois, pour les élèves. Vous parlez de rencontres, c'est même du partage, un temps de mise en commun, à la fois avec l'idée de pouvoir se produire sur scène, sous le regard de l'ensemble des autres élèves, mais également de découvrir ce que font les autres élèves dans différentes pratiques artistiques qui ne sont pas celles pratiquées par l'ensemble des élèves. Donc l'idée de découverte également. Oui, tout à fait. C'est découvrir que qu'ils ne sont pas seuls sur un territoire à développer une pratique, mais que d'autres peuvent avoir ce type de pratique ou une autre en appui sur d'autres œuvres programmées. Les dénominateurs communs quand même, c'est d'abord le partenaire culturel, puisque tous travaillent avec l'apostrophe. Donc ça leur fait un point de rencontre. Et puis aussi le désir d'être ensemble en appui sur des pratiques artistiques et culturelles. Et avec leurs professeurs, bien entendu, puisque tout cela est conditionné par l'engagement des équipes pédagogiques aux côtés des élèves. Oui, j'allais y venir juste pour dire que c'est rendu possible, effectivement, ces rencontres, parce qu'il y a des artistes intervenants qui sont plus que des encadrants, puisqu'il s'agit d'un temps particulier de création interscolaire également. Oui, tout à fait. C'est un temps de synthèse, de concentration de ce qui se joue dans l'ensemble des actions éducatives, c'est cette relation à trois, artiste, enseignant, élève, qui est riche et féconde pour l'épanouissement des jeunes et pour moi précisément de là où je parle, la réussite. ces élèves. Côté enseignants, on n'est pas simplement pour le coup dans des accompagnateurs, mais ils sont très directement associés, concernés également par ces rencontres. Alors, ils sont très directement concernés, associés, parce que les rencontres dans leur organisation mettent d'abord en valeur le travail de l'année. Or, les professeurs co-construisent avec les artistes tout au long de l'année ce travail. Donc, ils sont à part entière, ils forment une part entière de Melting Pot. Et puis après, dans les ateliers de pratique eux-mêmes, en prévision des soirées de restitution, ils jouent un rôle, je dirais, d'accompagnement des pratiques proposées par les artistes aux élèves. Ils participent de la réflexion avec l'artiste et les élèves en fonction de la thématique qui est tirée au sort. Ouvrir et éveiller les élèves aux pratiques artistiques, aux actions culturelles de manière générale, c'est aussi ça l'ambition de ces rencontres et des différents dispositifs qui sont mis en place par l'éducation nationale sur le plan national, justement. Oui, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'éveiller les élèves à l'art et à la culture. C'est leur rendre possible ce lien entre le spectacle et l'élève, créer du désir chez ces élèves. Vraiment ça. Et ce désir passe aussi par le conditionnement, mais un conditionnement positif. C'est en y retournant avec son professeur, en y allant avec son professeur, qu'on a besoin ensuite aussi d'y retourner et qu'on comprend que l'art et la culture donnent sens à la fois à l'intérieur de l'école aux apprentissages, mais aussi donnent un sens à notre vie. À tel point que vous allez également vous-même participer à une rencontre débat avec François Morel autour de la nécessité de l'action artistique et culturelle. François Morel qui, pour cette édition 2016 des Melting Pot, en est le parrain. Alors, vous allez vous interroger, si vous allez témoigner de cette nécessité de l'action artistique et culturelle, car ça n'est pas... toujours facilité ou bien perçu. Il faut rappeler sans cesse l'engagement de l'État sur ces sujets-là. Il faut rappeler sans cesse que, je dirais, en termes de programmation, plus précisément en termes d'orientation, les conditions sont réunies pour que les actions éducatives existent, pour que les projets d'éducation artistique et culturelle soit mise en œuvre. Après, se pose évidemment la question des moyens. Il y a toujours un écart entre orientation et moyens financiers. Et le contexte n'est pas toujours évident. De là où je suis, je me bats quotidiennement pour que les moyens financiers soient maintenus dont dépendent évidemment la mise en œuvre de ces actions. Je voyais dans le compte-rendu d'activité de l'apostrophe année 2014 qu'il y a eu de nouvelles collaborations artistiques qui ont pu voir le jour. Ça veut dire qu'effectivement, aux côtés de la scène nationale et des autres partenaires, je pense à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, vous prenez toute votre part également au niveau du rectorat. Sur la part éducation artistique et culturelle, oui, dans la mesure de nos moyens, nous faisons notre maximum. En tout cas, nous accompagnons ces actions, nous faisons en sorte qu'elles existent, que les professeurs soient motivés, soient engagés auprès des élèves dans la relation avec les œuvres et avec les structures culturelles. Après, sur la question des moyens financiers, c'est déjà 30 ans de combat pour le maintien de ces moyens. Et un combat qui se poursuit, qui se prolonge. Qui se poursuit, oui, tout à fait. Oui. Juste deux, trois chiffres pour ceux et celles qui nous écoutent, pour peut-être montrer l'importance de ces actions artistiques en milieu scolaire. Je lisais ce bilan 2015, plus de 2500 heures d'enseignement artistique sur l'Académie de Versailles. C'est le bilan qui vous a été communiqué par... L'apostrophe. Par l'apostrophe. Alors, c'est pas... Cela concerne les établissements scolaires, effectivement, partenaires de la scène nationale. D'accord. Oui, tout à fait. Ce qui est absolument remarquable, l'apostrophe porte vraiment des actions modélisantes en matière d'éducation artistique et culturelle sur tout le territoire académique. Oui, ça mobilise près de 1000 élèves, 59 artistes intervenants. Ça montre effectivement l'importance. Est-ce qu'il c'est y a cependant... remarquable. Est-ce qu'il y a cependant encore des endroits où justement ceux qui ne bénéficient pas de l'ensemble de ces dispositifs sur un territoire qui est celui de l'Académie de Versailles, par exemple? Bah, comme souvent, les zones rurales sont plus difficiles à irriguer en matière d'éducation artistique et culturelle parce qu'on n'a pas forcément systématiquement des structures culturelles de proximité qui peuvent accompagner le travail des enseignants. Donc les zones rurales, et puis après, le territoire est tellement vaste, nous correspondons à 10% des élèves français, donc cela dépend aussi je dirais, de la motivation des chefs d'établissement et par extension des professeurs. Tous, hélas, n'ont pas toujours envie de s'engager. Et puis, je dirais, l'ensemble des orientations données par le ministère de l'Éducation nationale leur donne aux enseignants beaucoup à faire. Donc, le quotidien de l'enseignant n'est pas facile. Et il faut beaucoup de militantisme aussi pour mettre en œuvre ces actions, déplacer les élèves, co-construire avec les artistes, mobiliser les collègues au sein d'un établissement scolaire. Tout cela nécessite un vrai travail en amont, donc de l'engagement. Heureusement, les formations que nous construisons, notamment avec l'apostrophe, hein, les formations à destination des enseignants sont là aussi pour mobiliser les acteurs du territoire. Très bien, on arrive au terme de cet échange. Dernier mot, vous serez présente à l'occasion des Melting Pot 2016, cette fameuse ruche de création interscolaire qui est organisée du 15 au 17 mars, avec deux soirées ouvertes au public, les 16 et 17 mars à 18h. Vous serez présente. Oui, tout à fait, bien sûr, je serai là, avec plaisir. Merci à vous, merci Marianne Merci à vous. Calvérac. Au Merci. revoir.